suffocation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants every word. Salut à toutes et toutes, la tribune. Bienvenue dans la 158e Vampire Freaks, c'est Spike qui débarque dans votre salon. Et oui, la tribu, c'est Spike, et on se retrouve comme toutes les semaines. Je tenais d'abord à remercier tous les groupes là, qui me font passer du son là, depuis quelques temps. C'est de la folie sur mes mails. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de me suivre aussi régulièrement. On commencera tout de suite avec Shut Up and Let Me Go en vinyle de The Tin Tins. C'est sur l'album We Start Nothing, sorti le 15 mai 2008. On retrouve Great DJ, Be The One et We Walk, un classique. On écoutera ensuite Attitude de Sepultura de l'album Roots. C'est le dernier album avec Mac Cavalera au chant. C'est sorti le 20 février 1996. On retrouve Roots, Bloody Roots, Cutthroats et Look Away. On continuera avec une nouveauté, Colores, le nouveau Scapé. C'est sur l'album Game Over, leur 8e album, sorti le 5 octobre 2018. On retrouve Achiton, Patriotadas et Jackie El Rey. D'ailleurs, le clip de Jackie El Rey est visible sur YouTube. Et moi, je les adore. On continuera ensuite avec Help Me Let's Go de Spread Like. C'est une nouveauté. C'est sur leur EP 5 titres Gorok Corporation. EP 5 titres sorti en 2019. On retrouve Help Me Let's Go, No Fun, Gaspar et This Is Not a Crass Song et Him to Smile. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube, SoundCloud et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Comme à la guerre de Lofofora. C'est sur l'album L'âme de fond qui est la tournée de l'album Le fond et la forme sorti en avril 2004. On retrouve Le fond et la forme, Holiday in France, Envie de tuer. Et ils ont réédité Peu et Dur comme fer dernièrement avec quelques bonus. Shut up and let me go. This hurts, I tell you so. For the last

Lorsqu'on regroupe de la peur, la terreur fait la loi. Parie sur la couleur de l'empereur et du roi. Lequel sera le plus fou et lequel tombera. Lequel est une marionnette et lequel lui met les doigts. Ça ressemble à un match mais du règne on n'a pas. Donc ça les amuse, la partie continuera. Tous les coups sont permis, l'embargo, la campagne. Les petits pois liront, le poisson ou la croix. Retour à la case départ, toucher le bilan de haine. De mille ans de vengeance pour les générations prochaines. Des millions de martyrs pour revenir au même. Combien de héros pour en tirer le problème. Voilà, y'a comme à la guerre. Pour provoquer la colère. Pour la raison des génères. Si le papillon est le nerf, mais pour un meilleur millénaire. Voilà, y'a comme à la guerre. Pour provoquer le tonnerre. La purée des sanguinaires, si le profit en est le nerf pris pour un meilleur millénaire. Respectable et pour les généraux, les chefs d'État. Se livre à la barbarie, génocide de sang-froid. Se régale de tragédie et de viande à soldats. Examéma où le conflit trouve les arguments de poids. Pour attiser la boule, ma cinéma d'espoir. Les valeureux guerriers, chasseurs de renégats. Tous les soirs, à 8h, c'est le feuilleton du mois. Seul diable en personne, c'est comment ça finira. Mais quels sont ces missiles qui sifflent sur nos têtes. D'où viennent ces désirs de victoire, de conquête. Qui tire les bénéfices pour qui souffle la tempête. La mort remerciera les dealers de roquettes. Voilà, y'a comme à la guerre. On provoque la colère. Quand la raison dégénère. Si le profit en est le nerf pris pour un meilleur millénaire. Voilà, y'a comme à la guerre, pour provoquer la colère. La purée des sanguinaires, si le profit en est le nerf pris pour un meilleur millénaire. Départ touché de mille ans de haine. De millions de vengeance pour les générations prochaines. Des millions de martyrs pour revenir au même. Combien de héros pour enterrer le problème. Voilà, y'a comme à la guerre. Pour provoquer la colère. Quand la raison dégénère. Si le profit en est le nerf pris pour un meilleur millénaire. Voilà, y'a comme à la guerre. Pour provoquer le tonnerre. La purée des sanguinaires. Si le profit en est le nerf pris pour un meilleur millénaire. Ah, qu'est-ce que c'était bon, ça, l'Ouvre-Foire en live. Vous êtes toujours dans la 158e Vampire Freaks, et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Shut Up and Let Me Go de Tintins en vinyle. On a eu Attitude de Sepultura. On a eu ensuite Colores, le nouveau Scapé. On a eu ensuite Help Me Let's Go de Spread Like, nouveauté aussi. On a eu ensuite Comme à la guerre en live de l'Ouvre-Foire. On continuera cette émission avec What Happened to You de The Offspring. C'est sur l'album Smash, leur troisième album, sorti le 8 avril 1994. On retrouve Gotta Get Away, Come Out and Play et Self-Esteem, un classique du punk. On écoutera ensuite Piranha de Molodoy. C'est sur l'album Dragon Libre, sorti en octobre 1991. On retrouve Jeune Irlande, Dragon Libre et Soleil et Acier. On retrouvera ensuite Life is Beautiful de Max Romeo. C'est sur l'album Pure Gold, sorti le 23 août 2011. On retrouve Bayou Rainbow, Homeward Bound, Misty Blues. Il est en place depuis 1970 et ça commence à tout doucement virer culte. On écoutera ensuite une nouveauté, même une exclusivité. C'est Saturday Night de Worst DNA. C'est aussi le titre de leur premier EP, 5 titres, sorti en avril 2019. On retrouve Take Me Out of Here, Saturday Night, Paranoid, Soft Kiss et Painkiller. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et ils sont sortis sur le label Juste Une Trace. Et on finira ce bloc avec un classique et même du culte, Purple Haze en live de Jimi Hendrix. C'est sur Woodstock Nation, sorti en 1969, réédition 2019. On retrouve Red House, Foxy Lady, Gypsy Woman, entre autres, du son culte. What in the world happened to you? Before you started talking, you used to have a brain. Hey! But now you don't get even the simplest of things. Hey! Draw a little picture or even use my hands. Hey! I tried to explain, but you just don't understand. Oh. Hey! And you're really losing it. Hey! And you really done a lot of junk now. Hey! But you keep on abusing it. We'll be right back. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. kiss this guy. Vous êtes toujours dans 158e Vapafrix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter What Happened to You de The Offspring. On a eu ensuite Piranha de Molodoy. On a eu ensuite Life is Beautiful de Max Romeo. On a eu ensuite l'exclusivité et la nouveauté Saturday Night de Worst DNA. Et on a fini ce bloc en live avec Purple Haze de Jimi Hendrix. Ah ouais, ça part un peu en couille là, cette semaine. On continuera cette émission avec Can't Forget the Fire, le nouveau Spring Water. C'est sur leur EP, trois titres, Some Drives, sorti dernièrement. On retrouve Can't Forget This Fire, Gaïda et Bloodline. On retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Merci à eux de m'avoir fait passer leur son. Ils font partie de ces groupes-là qui me font passer du son régulièrement. On écoutera ensuite, allez, puisqu'on est parti pour péter les plombs, Nuit Papou de Richard Gauthier. C'est sur l'album La Planète des Singles, sorti le 1er septembre 2005. On retrouve Primitif, Chippy, Femme à lunettes. Et le sympa, c'est sympa. Hop là. On écoutera ensuite No Trouble de Frustration, c'est sur l'album Relax, sorti le 7 février 2008. On retrouve We Have Some, Relax et Too Many Questions. Tout doucement, ben, ça rentre dans les classiques, hein, Frustration. On écoutera ensuite une nouveauté, Money de nouveau Kima, c'est sur leur EP 5 titres Résiste, sorti le 11 mai 2018. On retrouve Faire Face, Résiste, Vision, Plié et Money. et on finira ce bloc en live avec Money in My Pocket de Dennis Brown. C'est sur le live à Brixton Academy, sorti le 14 juin 2010. On retrouve Here I Come, The Prophet Rides Again et I Can Stand It. Il est là depuis longtemps lui aussi, au début des années, fin 60, début 70. Yeah. se couvre de poils. Et ces mutants, ségués au point, font les sagouins sous les étoiles. Gagnés par la fièvre lubrique, des sauvagesses se trémoussent. En faisant bouger diabolique leurs fesses et leurs seins pamplemousses. Oh, Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. S'effondrant, voudrait se lever pour que ça change. Faut d'abord se poser, comprendre la mollesse. Évader la planque, la faire se traiter en silence. On se fait une place au soleil en exploitant sa part d'ombre. Manœuvre d'initié entre abus et monopole. C'est sur la langue des événements que rien ni personne ne contrôle. Où vont les anges qui protègent ce que l'on sème? On perd le sens de la mesure, une course au profit à court terme. On est mené par la monnaie, monnaie, monnaie. Cherche, cours après le cash, ou alors offre un, on le connaît. Mené par la monnaie, monnaie, crash et laisse pas. La monnaie. La pression préserve les marges, la même marée d'exclus peine. Ça dépend de la mise de départ, évidemment qu'il fallait de la veine. Notre privilège, le ciel c'est ce que l'on traîne. Chaque mois un cortège de charges, mes potes font pas de money gambling. La fortune incertaine, la pointe du destin acéré. Que le ciel me fasse crédit, cet enfer m'a ruiné. Trop d'impérialisme, vestige d'une époque coloniale. Qu'on manque réformer le système, demande une refonte radicale. On est mené par la monnaie, monnaie, monnaie. Cherche cours après le cash, ou alors au frein on le connaît. Mené par la monnaie, monnaie, crash et laisse pas. Si on se noie conscient que le navire prend l'eau, il faut nourrir les cadences, partager la sueur de nos fronts. Si tu bras ton existence, je veux de l'or pour aller au bout du monde. S'ils sont sourds quand tu n'es rien, cette fois ils plieront par le nombre. Cultive l'art de contester comme Monsanto les OGM. Mais moi, je n'ai pas de poids, je n'ai qu'une liasse de poèmes. Aveuglé par les paillettes et le bling bling en emblème. Donne-leur une poignée d'or, que ces loups deviennent des chiennes. On est mené par la monnaie, monnaie, monnaie. Cherche cours après le cash, ouais le refrain on le connaît. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Oui, hein, cette semaine, ça part vraiment en sucette et c'est que le début. On vient de s'écouter Can't Forget the Fire, le nouveau Springwater, Nuit Papou, de Richard Gottener, No Trouble de Frustration. On a eu ensuite Money, le nouveau Kima, et on a fini ce bloc avec Money in My Pocket de Dennis Brown. On continuera cette émission en live avec K.O. en France. Des Salles Majestés, c'est sur l'album Weekend Sauvage sorti en 2008, c'est un double album. On retrouve Camarades, Mes Frères, Bienvenue, enfin tous les classiques des Salles Majestés. On aura ensuite une nouveauté et même une exclusivité, c'est Rise of Glass de Black Soul, c'est le single d'un album en cours. Ils sont d'un côté de chez moi, là, du Puy-en-Velay. Ils sont sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On aura ensuite une autre nouveauté et une autre exclusivité, Putain de Malsien. De Guy Armic Rock. C'est sur l'album Sam Field de l'Urticaire, sorti en 2019. On retrouve à partir de maintenant, Pas de Regret, Encore Humain. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud, et toutes les plateformes numériques. Merci à ma sœur Caro qui m'a fait passer le CD. On écoutera ensuite une archive, une version acoustique de Douanier 007 par Sinsé Emilia. C'est une version quasi inédite. Merci à Sinsé qui m'a fait passer cette pépite. Ils sont en tournée actuellement avec un nouvel album. Promis, je sais qu'ils vont faire un live. Je vais essayer de vous trouver ça et on le partage ensemble. Et on finira ce bloc justement en live avec The Show Must Go On de Soldat Louis. C'est sur l'album Happy Birthday, le live des 20 ans, sorti en 2009. On retrouve Tirer des caisses, C'est quand les cons changent de pays et Juste une gigando, qui est mon morceau préféré de Soldat Louis, va savoir pourquoi. Une chanson douce. Car en France. Nous serons tous des chômeurs et nos enfants des esclaves. Génération qui a eu peur de résister aux dérapages. Économie libérale, main de la justice sociale. Aujourd'hui les dés sont jetés. On n'a pas su se révolter. Dans les lycées, dans les cités. Ne parle plus d'égalité. On t'a parqué dans les cités. Tu peux toujours te défoncer. Alors n'attends rien du système. Encore moins de ceux qui gouvernent. Et surtout dans ton HLM. Ne viens pas poser, ne viens pas poser. Ne viens pas poser de problème. Car l'enfant dans les lycées. Car l'enfant dans les cités. Car l'enfant à l'Élysée. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Que j'ai vu le douanier, c'est à Genève qu'on était parti jouer. Et dès qu'on t'a vu, on a su qu'on allait galérer. 10 chevelus dans un camion, ça pouvait pas rater. C'est d'abord toutes nos poches que t'as voulu fouiller. Sur la table en 10 secondes, c'était total lundi. Y avait des clopes, du carton, du paquet d'OCD, mais désolé, pas le moindre tarpé. Regarde-moi, je ne suis pas le big boss des trafiquants d'armes. Si c'est Miga, ce n'est pas une assoce de dealer de carum. Regarde-moi, je ne suis pas le big boss des trafiquants d'armes. Si c'est Mia, ce n'est pas une assoce de dealer de 4 heures après. On avait tout vidé, chaque instrument, chaque caisse, t'avais tout fouillé. On était dégoûté, toi survolté, mais désolé, pas le moindre tarpé. Pas le moindre tarpé. Ok, les Rastafari, on a bien rigolé. Quoi? Maintenant, je veux tout le monde à poil. À l'enculé, ce que j'aimerais l'exploser. Mais si ce soir on veut jouer, faut s'exécuter. Mais ne compte pas sur moi pour me la jouer tête baissée. Tout mépris dans mon regard pour toi est adressé. D'ailleurs, à poil, dis-moi ce que t'y as gagné. À part de nouveaux complexes pour ta face de frustré. Vas-y, cherche, cherche, douanier Fox Terrier, tu n'auras pas le moindre tarpé. Cherche, douanier, pas le moindre tarpé. Vas-y, cherche, cherche, pas le moindre tarpé. Vas-y, cherche, douanier, cherche, douanier, cherche, douanier. Ah, t'étais dégoûté, mais t'avais rien trouvé. Donc te v'là obligé, nous laisser passer. Mais je veux que tu saches, douanier, que 2 minutes après, dans le camion tourné. Quoi? Deux gros jokos. Ah, à ta santé. À ta santé. Ta santé. Parce que chez Sinsé, quand tu cherches la sensei, c'est pas nos poches qu'il faut fouiller. Ah non man, chez Sinsé, quand tu cherches la sensei, regardant les logs de Riquet. Regarde-moi, je ne suis pas le big boss des trafiquants d'armes. Sinsé, Miglia, ce n'est pas une assoce de dealer de carins. Regarde-moi, je ne suis pas le big boss des trafiquants d'armes. Sinsé, Miglia, ce n'est pas une assoce de dealer de carin. Regarde-moi, je ne suis pas. Vas-y, douanier, laisse-moi passer. Sinsé, Miglia, ce n'est pas une assoce de dealer de carin. Regarde-moi, je ne suis pas. Vas-y, douanier, laisse-moi passer. Sinsé, Miglia, ce n'est pas une assoce de dealer de carin. Putain de il se sait. grand blond, lui demandant droit dans les mirettes. C'est votre minou qui a joli sang, on l'a foutu sur sa banquise, en lui sonnant une marche bretonne. À vous dégoûter des chemises, à mal en rouge chemise corps. Quel rock alternatif, venu chercher six paires de claques pour avoir d'une mauvaise licence 4 et un clébard du service d'ordre, repoint aux nouilles à la calzone du chanteur, les tripes en discorde avant que son chemin se gorge. Je sais, chez l'œil méchant, on jouait du rhum des femmes des chèvres, tout ce qui leur tombait sous la dent. Ils ont fait trembler le chapiteau, tellement que leur musique était bonne. On sauvait juste les poteaux pour que le reste du show puisse gagner. Ces mecs, c'est nous, ça t'a deviné. Sinon, pourquoi qu'on en causerait? Mais il fallait bien confirmer que Costard n'était pas surfait. Faudrait pas croire que le rock'n'roll, ce n'est qu'un père Phil Gibson. C'est un métier, c'est une école, y'a qu'un sigle, le show bugle. On vient de s'écouter Chaos en France en live des Salles Majestés, Rise Your Glass, le nouveau et l'exclusivité de Black Soil, Putain de Mal tient, le nouveau et l'exclusivité de Guillaume Rock. On a eu ensuite Douanier 007, la version acoustique de Sins Emilia. Oui, d'ailleurs, je tenais à le dire, merci à tous les groupes qui partagent et qui m'envoient du son, car c'est grâce à vous que cette émission existe. Et on a fini ce bloc en live avec The Show Must Go On et des Soldats Louis, et encore merci. On continuera cette émission avec Sunday Morning de Winston McAnuff. C'est sur l'album Nostradamus, sorti le 20 octobre 2008. On retrouve Nostradamus, Slave Driver et The Pack, un excellent album du maître. On écoutera ensuite une autre nouveauté, une exclusivité, Antifa Politique de Mr. Alex Jah. C'est sur l'album A Terre, sorti en avril 2019. On retrouve A Terre, Y'a un arbre, Flashblood 2.0. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite, allez, un truc qui commence tout doucement à rentrer dans le classique, Contradiction de Mass Hysteria. C'est aussi le titre de ce deuxième album, sorti le 2 février 1999. On retrouve Emma Blasway, Furia, Le Dernier Tango. Il a très bien vieilli, ce magnifique album, certifié disque d'or 19 ans après sa sortie. Ça fait toujours plaisir et, comme dirait l'autre, vieux motard que jamais. On écoutera ensuite une autre nouveauté, et c'est Silk Road de Sphere. C'est sur l'album Yono, sorti le 10 mai dernier. On retrouve Mars, Stellar et Television Nation. Je les adore, c'est pour ça que je diffuse un autre titre cette semaine. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube. D'ailleurs, le clip de Mars est visible sur YouTube et sur toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec un très très grand morceau, Demon Prince de Creator. C'est sur l'album Hordes of Chaos, sorti le 13 janvier 2009. On retrouve Warcourse, Radical Resistance et Corpse of Liberty. Tuesday morning too. like Wednesday morning. No banjo today. Thank God it's Friday. I got my banjo to play. I rest on Saturday. Oh, that's a Sabbath day. Sunday morning. Send me a good morning. Good morning. Most people greet Monday with yawning. When they got chores to do, they hate to see a new week dawning. Wishing it would go away. Dreaming of Friday. When they'll get their pay. And on to sweet Saturday. And it's a Sabbath day. Sunday morning. Send me a good morning. Sunday morning, hear me singing songs of praises, yeah. Send me a good morning. One small step for man, one giant leap for mankind.

Ah, que c'était bon ça, créateur en live. On vient de s'écouter Sunday Morning de Winston McAnuff, Antifa Politique, la nouveauté et l'exclusivité de Mr. Alex Jah. On les retrouve bien sur Facebook et Bandcamp. Hein. Y a un, l'album est en vente à partir de 7€ sur Bandcamp. On a eu ensuite Contradiction de Massisteria, et on a eu ensuite Silk Road de Sphere, et on a fini ce bloc en live avec Demon Prince de Creator. 758e Vampire Fix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission et je répondrai à tous vos messages. On finira cette émission avec Led Zeppelin de Alan Stivell. C'est sur l'album Brian Bone, sorti son 18e album, sorti le 19 mai 1995. On retrouve Brian Bone, Diabla et Lands of Fire, considéré par les spécialistes comme un chef-d'œuvre, il renouvelle la musique celtique en lui intégrant un flow hip-hop et de rythmique électro. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite et sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Passer les bâmes et les organes aux cigarettes, songer dans bas Hollywood, croire et bas western. Passer les bâmes et les organes aux cigarettes, songer dans bas Hollywood, croire et bas western. Barbu d'une tente en un que t'entends, et se mérite à guetta, un hen de sa rente. De la grande barbu d'une tente en un que t'entends, et se mérite à guetta, un hen de sa rente. Cigarette, son leader by Hollywood, Harry Barzo Western.